hommes ne peuvent pas vivre cette conquête-là. Parce que tous les hommes ne sont pas prêts à vivre leur multidimensionnalité. Ils sont encore au stade de vivre ce que j'appelle la psychologie animale de l'homme. Et la psychologie animale de l'homme, c'est la psychologie astrale de l'homme, c'est la psychologie où l'intérêt de l'intelligence est toujours en fonction de l'émotivité ou de la valeur émotionnelle de l'expérience, et où la valeur émotive de l'expérience est toujours mesurée selon l'expérience intellectuelle, autrement dit, selon la psychologie du temps ou selon la philosophie du temps ou la spiritualité du temps. Alors, pour que l'homme vive sa multidimensionnalité, il faut qu'il soit arrivé à un stade d'évolution où il lui est permis, en tant qu'être humain, de ne pas se détruire ou de ne pas s'autodétruire, de ne pas se suicider. Ça, c'est un point que je vous conseille. L'affaire du suicide, c'est bien subtil. Ça va loin, l'affaire du suicide. Tu sais, j'ai déjà dit que l'homme, l'être humain, ne se suicide pas. Quand un être humain se suicide, c'est parce qu'il est amené à se suicider par des intelligences qui sont dans l'astral et qu'à cause des événements sur le plan matériel, il est trop faible de volonté et il a pas assez de discernement d'intelligence, donc éventuellement, il se laisse influencer et il se suicide. Alors, pour qu'un être humain ne puisse pas se suicider sous la pression du rayonnement qui fait intersection avec le plan mental, il faut qu'il ait une permission spéciale. Et la permission, elle lui est accordée par ces intelligences-là. Autrement dit, un être humain qui entre en mutation, qui fusionne, ou un être humain qui éventuellement en arrive à réaliser la centricité de son intelligence, ne peut pas être amené au suicide par les intelligences astrales parce qu'ils n'ont pas de pouvoir sur lui. C'est pour ça que je dis aux gens qui viennent dans les séminaires ou les gens qui vivent des expériences pénibles après le séminaire, cassez-vous pas la tête. Parce que si vous êtes dû pour une fusion à long terme ou une fusion éventuelle, ou si vous êtes dû éventuellement pour connaître votre personnalité réelle, il y a des empêchements créés contre l'astral. Parce que dans le passage de la vieille personnalité à la nouvelle personnalité, l'homme est comme dans un no man's land. T'sais, t'es pas dans l'autre, puis t'es pas dans l'autre. Alors l'homme n'a pas grand support. Alors, à ce moment-là, l'homme doit être préservé de la destruction, de l'autodestruction de son corps matériel par ces forces-là. Et c'est là que il y a, je vais vous indiquer qu'est-ce qui se passe en vous pour le reconnaître. Quand l'astral, quand il est empêché aux intelligences de l'astral de faire interférence dans la vie humaine, ça se manifeste chez vous comme de la perte de mémoire. Comment tu veux dire? Quand vous avez de la perte de mémoire dans votre expérience, là, c'est comme si le pont entre l'astral et vous y est coupé. De sorte que vous êtes obligé de vivre votre expérience en dehors de votre mémoire subjective, autrement dit, en dehors de la mémoire de votre personnalité. Puis c'est tough parce que c'est fatigant, parce que quand tu perds tes mémoires et ta tête vide, tu sais pas, tu peux pas te situer. Mais tu n'as pas besoin de te situer, parce que tu es déjà situé par rapport à ces intelligences-là. C'est quand tu as de la mémoire que tu es dans un état de danger. C'est pas quand tu n'en as pas. Quand tu as de la mémoire, tu peux te détruire. Quand tu n'as pas de mémoire, tu peux pas faire rien. Essaye de te suicider quand tu n'as pas de mémoire. Tu peux pas, tu n'es même pas capable de penser. Essaye de te penser à te suicider quand tu as la tête vide, tu n'es pas capable. Tu restes sur ton siège bien assis. Mais c'est quand tu commences, tu es capable de penser que tu peux en arriver éventuellement à recevoir des impressions ou des implantations dans ton mental qui vont t'amener à l'autodestruction. Fait que quand vous êtes dans un état où votre mémoire fonctionne pas, que vous avez la tête vide, c'est parce qu'il y a une situation dans votre vie qui, si vous étiez amené à la vivre avec votre mémoire, ça vous mettrait dans un état de dépression. Fait qu'automatiquement, si la situation était réellement pénible, il pourrait se faire des contacts entre vous psychiquement et l'astral, et vous pourriez être mis en dépression, et vous pourriez, selon le cas, je donne des cas, être amené au suicide. La perte de la mémoire, c'est la protection psychologique de l'homme. Quand t'as pas de mémoire, t'es safe. Mais on n'aime pas ça perdre notre mémoire, parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. C'est pas qu'on perd quelque chose, c'est qu'on est protégé de perdre quelque chose. Puis éventuellement, quand on est bien ajusté, que nos corps sont bien ajustés, puis qu'on est réellement dans notre personnalité réelle, on s'aperçoit une chose, c'est que c'est pas qu'on n'a pas de mémoire, on a une maudite mémoire, mais elle sert, elle est dans le temps de l'esprit, assez pas dans le temps de l'ego. Fait que si t'en as besoin de ta mémoire, laisse-moi te dire qu'elle est là. Puis elle est franche, puis elle peut aller chercher bien loin dans le temps des affaires. Mais elle est sur le temps de l'esprit. Tandis qu'avant, ta mémoire était sur le temps de l'ego. Puis qu'est-ce que ça fait de la mémoire quand c'est sur le temps de l'ego? Ça crée une petite personnalité de merde qui est foncièrement faite, construite d'émotions et d'intellect. Fait que quand tu te rafles tout ça aux autres, puis que tu enlèves ta mémoire, puis qu'il te reste plus rien, puis tu n'as plus ta petite personnalité, il t'en reste plus de petite personnalité, là, il te redonne ta mémoire, mais tu sais dans ce temps-là que c'est eux autres qui te connectent ta mémoire. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'émotivité dans ta mémoire, il n'y a plus d'intellect dans ta mémoire, tu ne peux plus rationaliser. Fait qu'à ce moment-là, ta mémoire sert à canaliser sur le plan matériel des actions ou des mots qui font partie de l'activité, de l'interaction d'activité entre ton l'esprit et l'ego. À ce moment-là, tu avances vers la fusion. Tu sais tout ce que tu as à savoir dans le temps. En attendant, tu prends un break, tu prends un coup, tu te casses pas la tête. C'est ça, là, comme ça, que fonctionne la nouvelle personnalité. Moi, je vous donne des conférences, je vous parle pendant des heures, je sais jamais ce que je vais dire, mais je manque jamais de mots, j'en ai tout le temps, c'est. Mais il faut qu'on s'ajuste à ça. Puis c'est pas facile à s'ajuster à ça parce que notre vieille personnalité, elle est toujours inquiète. C'est toujours inquiet, ça, de la personnalité. Ça s'inquiète. Ça s'inquiète tout le temps, la personnalité. Puis pourquoi est-ce que ça s'inquiète, la personnalité? Parce que c'est pas habitué à vivre en fonction de l'esprit. C'est habitué de vivre en fonction de l'intellect et de l'émotion, autrement dit, de la mémoire. Fait que moi, je vous ai situé de ça aujourd'hui. Un jour, vous comprendrez que c'est le même. In the meantime, vous vous en allez vers ça lentement. Puis ceux qui comprennent ce que je dis, comprennent ce que je dis. Puis les autres, vous comprendrez avec le temps. Mais c'est le même que ça marche. Puis c'est inévitable, puis c'est absolu, puis ça change pas. Parce que l'instruction mondiale, ce n'est pas de l'enseignement. C'est une loi. C'est le même que ça marche. L'homme est construit comme ça. La hiérarchie est construite de même. Elle évolue comme ça. Et les lois cosmiques de l'homme, de l'esprit, de la matière, de l'intelligence, de la mémoire, de l'âme, de l'espace, du temps, on les comprend toutes. Et comme on les comprend toutes, on les explique parce que c'est le temps que l'homme commence à comprendre comment est-ce que ça fonctionne l'homme et que l'homme commence à comprendre comment et pourquoi, sur la Terre, sur le plan matériel, il est incapable d'avoir une personnalité en puissance. C'est-à-dire une personnalité qui, au lieu d'exploser vers l'extérieur, implose vers l'intérieur tout le temps et réfléchit constamment le matériel sur lui-même et éventuellement aiguise tellement les nerfs, autrement dit, aiguise tellement la nature humaine sur le plan mental et émotionnel que l'homme se voit à un certain moment de plus en plus diminué, de plus en plus diminué et il n'a pas d'expression totale. L'homme n'est pas capable l'homme n'est pas capable d'être un drapeau sur la planète. Il n'est pas capable. Quel homme est capable d'être un drapeau sur la planète? Quel homme est capable de dire: moi, je suis sa planète, puis j'ai une fonction sa planète, puis c'est une fonction absolue, puis c'est une fonction créative, puis de connaître l'orientation de cette fonction-là. Quels sont les hommes? Très peu d'hommes. Il y a des hommes qui ont des fonctions sa planète parce qu'ils sont riches ou ils ont le pouvoir politique, ça c'est une chose. Ça c'est un aspect de ça. Mais je parle de l'homme conscient. Et quand l'homme conscient, quand un homme, deux hommes, trois hommes, quatre hommes, 100 000 hommes, 200 000 hommes conscients sur la planète, ce sera une autre civilisation. Comme ça, ça marche. Parce qu'à ce moment-là, l'expression de la personnalité réelle vers le monde ne pourra plus être arrêtée. Elle ne pourra plus être diminuée par l'émotion ou la mentalité subjective de la fausse personnalité. L'homme fonctionnera dans son temps, et si dans son temps, l'homme a besoin de certains pouvoirs de l'esprit dans la matière pour faire quelque chose, les pouvoirs seront donnés. Fait qu'à ce moment-là, si c'est important pour l'homme, dans un temps quelconque de la civilisation, de créer un choc énorme, pour que l'humanité regarde ce qui se passe, ça se fera, et ça va se faire à la fin du siècle, quand le grand Michael va descendre sa planète. Et quand ceci se fera, ça se fera. Autrement dit, il viendra un temps dans l'évolution de l'homme vers la fin du siècle, où il y aura un homme sur la Terre, reconnu par tous les hommes sur la Terre, dont les pouvoirs seront tellement absolus, que cet homme sera le pont entre la 5e et la 6e race. Et le pouvoir de cet homme-là sera total, il sera absolu, et cet homme sera totalement intouchable. Donc, les hommes qui sont dans les vieilles personnalités seront amenés par la force de ce pouvoir-là à réaliser qu'il y a déjà un nouvel âge sur la Terre. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est très important la personnalité réelle. Parce que la personnalité réelle, c'est la fondation de l'esprit dans la matière. Tandis que la fausse personnalité, c'est la fondation de l'astral. C'est le pouvoir de l'astral, c'est l'inconscience de l'humanité, c'est l'involution, c'est la 5e race, c'est tout le passé de l'homme, c'est la mémoire de l'humanité, c'est totalement c'est totalement sans pouvoir. C'est totalement expérimental. Il n'y a aucune conscience créative. Autrement dit, il n'y a aucune lumière. La dernière partie de la conférence est importante parce que... Elle lie les deux autres parties dans un sens particulier. Un sens qui n'est pas nécessairement facile à saisir pour le moment, mais qui fait partie de la réalité de cet exposé-là. Puisqu'on parle de personnalité inconsciente ou de personnalité ancienne ou personnalité dont la fondation est la mémoire humaine, émotivement ou intellectuellement, et qu'on propose l'évolution éventuelle de l'homme vers une autre personnalité qui n'est pas fondée sur la même réalité psychologique, on est obligé de faire comprendre que dans l'évolution de la personnalité réelle de l'homme, autrement dit, dans l'évolution de l'homme vers la supraconscience, il existe un état d'esprit qui n'est pas facile à l'homme de vivre, parce que c'est un état d'esprit qui ne se nourrit pas de la vie de la même façon que l'homme dans son inconscience ou dans sa vieille personnalité connaissait. Un homme qui va vers la conscience ou la supraconscience, ou un homme qui va vers l'intelligence réelle, ou un homme qui va vers la fusion, ou un homme qui va vers... qui fait le transfert de personnalité, qui passe de la vieille personnalité à la personnalité réelle de la sixième race, doit prendre éventuellement conscience de l'évidence que dans toute conscientisation supérieure d'une humanité ou d'un individu dans une humanité, qui n'est plus régi par les lois de l'homme, autrement dit par les lois de la mémoire humaine, il y a un phénomène particulier, c'est que l'homme qui est conscient dans sa personnalité réelle n'a pas besoin d'être heureux. C'est presque la mesure de la qualité de la conscience supraconsciente, de la personnalité réelle. La recherche du bonheur sur la Terre, la recherche du bonheur chez l'être humain, fait partie de la recherche au sein de sa personnalité inconsciente d'une sécurité. Autrement dit, le bonheur pour l'homme, c'est une sécurité psychologique qui est fondée sur une myriade d'options. Et cette sécurité psychologique, lui, est nécessaire tant qu'il a des liens psychologiques avec son intelligence. Qu'est-ce que je veux dire, avoir des liens psychologiques avec son intelligence? Avoir des liens psychologiques avec son intelligence, c'est prédéterminer d'avance la qualité de vie qu'il veut vivre en fonction de son intellect et de son émotivité. Autrement dit, c'est la prise de conscience subjective de l'ego lui permettant de s'assurer pendant une certaine période de vie d'une abondance plus ou moins grande des bienfaits de la vie. Que ce soit dans le travail, l'intimité ou quoi que ce soit. Mais l'homme qui est dans sa conscience réelle, l'homme qui a une supraconscience ou l'homme qui a une personnalité réelle n'a pas besoin d'être heureux. Et la raison pour laquelle il n'a pas besoin d'être heureux, c'est parce qu'il crée son propre bonheur. Elle est subtile, la différence. Il y a une différence entre être heureux, autrement dit, entre être dans la vie en fonction d'un bonheur qu'on désire, en fonction des possibilités que la vie puisse nous apporter dans cette direction-là, et l'autre condition qui fait que on crée, quand on est conscient, notre propre bonheur. C'est-à-dire qu'on crée, quand on est conscient, les conditions dont on a de besoin pour être bien, mentalement, émotivement, physiquement. C'est pas la même chose. Le bonheur humain, le bonheur inconscient, le bonheur de la vieille personnalité, il est toujours en fonction des possibilités de vie. Tandis que le bonheur ou l'équilibre dans la vie, eux autres préfèrent appeler ça l'équilibre dans la vie que le bonheur. Alors, l'équilibre dans la vie d'un être qui est supraconscient n'est pas en fonction des possibilités de vie. Lui crée ses possibilités. Une bonne différence. C'est bien important cette différence. Un être conscient, supraconscient, crée ses possibilités. Il n'attend pas les possibilités. Autrement dit, il n'est jamais dans l'attente du bonheur, l'être conscient. Il crée de toutes pièces les conditions dont il a de besoin pour être dans l'équilibre de ses principes. Ce qui crée ce que vous appelez vous autres bonheur. Mais ce n'est pas du bonheur, parce que du bonheur, c'est abstrait. C'est purement subjectif, du bonheur. Dans le bonheur, il n'y a pas d'intelligence. Dans le bonheur, il y a simplement de la joie. Tandis que lorsque l'homme est dans la supraconscience, il y a dans cette expérience-là que, inconsciemment, on appelle le bonheur, il y a de l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui dicte la mesure de ce qu'on appelle le bonheur dans la vie de l'être supraconscient. Autrement dit, si l'être supraconscient a besoin de deux onces de cette chose-là qu'on appelle le bonheur, il va en avoir deux onces. Il ne peut pas en avoir trois. Il faut qu'il n'y ait deux. Il n'y a plus de corps de désir pour en vouloir trois. Il n'y a que deux. Et comme il n'y a pas de corps de désir, automatiquement, il n'a pas besoin de plus que deux. Tandis que l'être inconscient, il en veut trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept, puis huit, puis neuf, puis dix, onze. Il en veut tellement, lui, de bonheur, que au lieu d'augmenter la résistance de ses corps aux forces de vie, il diminue la résistance de ses corps aux forces de vie. S'il est très riche, puis si sa vie va très vite, éventuellement, il y a le cancer. Qu'est-ce que c'est le cancer? Le cancer, c'est l'activité sous pression des forces de vie engendrées trop rapidement par le corps de désir. Le cancer, c'est l'incapacité au corps de désir de vivre d'une certaine diète, c'est-à-dire de vivre dans un certain rythme de vie qui est contrôlé par l'intelligence au lieu d'être contrôlé par l'ego. L'homme ne peut pas vivre la vie trop vite. Il y a des moments dans sa vie, il faut qu'il arrête, il faut qu'il recommence, il faut qu'il arrête. Il faut que ce soit l'intelligence dans l'homme qui dicte le rythme de sa vie. Sinon, ses organes, éventuellement, flétrissent. Et l'être conscient, l'être supraconscient, n'ayant pas besoin de bonheur, n'a jamais à utiliser son énergie astrale. L'être conscient n'utilise jamais son énergie astrale. Autrement dit, il n'utilise jamais son énergie émotionnelle. Il utilise toujours son énergie mentale pour contrôler son énergie astrale. L'être supraconscient ne peut jamais mettre de l'émotion dans son action. Il met de l'intelligence dans l'action. L'intelligence contrôle le rythme du corps astral et automatiquement, il n'y a pas besoin de bonheur. Il a une quantité quelconque de bien-être qui correspond au mental, à l'astral et au physique. Ceci le garde dans une permanence de conscience, dans une activité de vie qui est réglée par l'intelligence et qui ne peut pas être assujetti ou soumis aux lois de l'émotion qui entraînent éventuellement l'homme vers le vieillissement et la mort. Mais pour que l'homme puisse vivre dans sa personnalité réelle, il faut qu'il puisse explorer les limites de sa personnalité qui n'est pas réelle et confronter sa personnalité réelle avec l'autre. Autrement dit, s'il y a dans la conscience, s'il y a dans la personnalité ancienne de l'homme, dans les mémoires de l'homme, des conditions qui l'empêchent de vivre une condition de personnalité réelle, il faudra qu'à un certain moment, il puisse le faire. S'il ne peut pas le faire, il ne pourra jamais vivre la superimposition de la personnalité réelle sur la personnalité qui est ancienne, et automatiquement, il ne pourra pas augmenter le taux vibratoire de son corps mental, de son corps émotionnel, et automatiquement, il ne pourra pas connaître éventuellement la personnalité réelle, parce que la personnalité réelle, il faut qu'elle soit créée, et elle ne peut être créée que par une diminution constante des interférences, des limitations psychologiques de la personnalité qui n'est pas réelle ou ancienne ou qui est basée sur la mémoire de l'émotion et du mental. Autrement dit, dans un langage qui est précis mais qui n'est pas clair, un homme qui est dans une conscience supra ou supraconscience ou qui est conscient ou qui est dans son intelligence ne peut pas, ne peut jamais être dicté sa vie par les lois de la mémoire. Il est obligé d'engendrer sa vie selon les lois de l'intelligence, c'est-à-dire selon les lois du rapport entre son esprit et son ego. Et ceci, il le peut bien faire selon qu'il est plus ou moins mental. Autrement dit, plus ou moins astral. Autrement dit, pourvu qu'il n'ait pas trop d'émotions dans l'intelligence ou l'intellect. Ce qui permet à l'homme de goûter et de connaître et de développer et de d'architecturer sa nouvelle personnalité, c'est sa capacité émotive et mentale d'être changée instantanément quand il prend conscience de la vibration de son intelligence réelle en lui qui lui dicte une certaine orientation dans sa vie. De là la puissance créative de la nouvelle personnalité. De là l'imposante réalité de la nouvelle personnalité. De là la centricité de la nouvelle personnalité. De là l'incapacité à la nouvelle personnalité de se mesurer ou de se comparer à l'ancienne ou à la mémoire, la sienne ou celle des autres. De là la capacité à la nouvelle personnalité de commencer sur le plan matériel à se créer une nouvelle dimension de vie. Et la nouvelle personnalité est extrêmement avide d'expérience. La personnalité réelle est extrêmement avide d'expérience parce qu'elle a besoin des expériences, non pas pour expérimenter psychologiquement, mais pour commencer à créer sur le plan matériel une dimension de vie qui est plus grande que ce que l'ancienne personnalité aurait pu créer, afin de préparer le corps mental et le corps émotionnel et le corps vital à recevoir les chocs éventuels de l'énergie qui se fera sentir chez l'homme lorsque la mutation et la transmutation et le passage à l'éthérique se fera. Parce que l'homme étant un être multidimensionnel, ce qu'il vit sur le plan matériel n'est qu'une condition inférieure de ce qui se passe sur les plans invisibles. Autrement dit, l'homme sur le plan matériel, à travers des expériences qu'il vit dans le contexte d'une personnalité réelle, construit dans l'éther des corps, construit dans l'éther une conscience, construit dans l'éther des conditions de vie et de mémoire qui correspondent à son expérience matérielle aujourd'hui, qui s'affranchit de plus en plus de l'ancienne mémoire. C'est pourquoi l'homme qui va vers la conscience supramentale prépare aussi, je ne dirais pas sa conscience éthérique, mais il prépare ses véhicules dans l'éther. Parce que tout rejet par la conscience réelle de la mémoire ancienne de l'autre conscience crée dans l'homme des chocs sur le plan mental, sur le plan émotionnel, crée même un stress. Et ce stress sert à créer une condition dans l'éther pour qu'il y ait éventuellement un raccordement entre l'esprit de l'homme emmagasiné dans la matière et l'esprit de l'homme libre de la matière. Le corps matériel, c'est comme le tombeau de l'esprit. Mais ce n'est pas parce que le corps matériel est le tombeau de l'esprit que le tombeau de l'esprit, demeure toujours. Tant que l'homme est dans la matière, son corps matériel, c'est le tombeau de l'esprit. Mais quand l'homme passe à une nouvelle personnalité, le tombeau de l'esprit, qui est le corps matériel, avec tous ses adjoints, le corps émotionnel, le corps vital et le corps mental, change. De sorte que ça ne devient plus un tombeau de l'esprit, ça devient une demeure de l'esprit. Et une demeure de l'esprit, c'est un endroit, c'est un espace matériel à l'intérieur duquel l'esprit peut rentrer et à l'intérieur duquel l'esprit peut sortir. Alors, le corps matériel, l'espace matériel, est le tombeau de l'esprit tant que l'homme est dans la vieille personnalité, et il devient la demeure de l'esprit quand l'homme est dans la personnalité neuve. Mais pour que le corps matériel ou la personnalité matérielle planétaire passe du stage de l'inconscience à la conscience, de la vieille personnalité à la nouvelle personnalité, il faut que l'homme prenne conscience que tout ce qui bloque son intelligence renforce l'état du tombeau de son esprit. Autrement dit, l'homme ne peut pas refuser la lumière. S'il refuse la lumière, il s'enterre dans le tombeau. Si l'homme refuse sa propre lumière, il s'emmure dans le tombeau. Et chaque homme a sa propre lumière. De sorte que chaque homme a inscrit en lui, dans son être intérieur, la condition du changement du tombeau à la demeure. D'un corps matériel extrêmement consolidé par une mémoire, en fonction d'un mental et d'une émotion, qui est totalement lié à la conscience sociale, jusqu'au jour où l'homme sort complètement de cet état, parce que son mental n'est plus assujetti, son émotion n'est plus assujetti à la mémoire. Son mental sert l'esprit, son émotion astrale sert l'esprit, son vital sert l'esprit, éventuellement son physique sert l'esprit. Quand le physique de l'homme sert l'esprit, l'homme se dématérialise. Alors, la relation entre la vieille personnalité et la nouvelle personnalité, c'est une relation qui est régie par des lois absolues, et l'homme, lui, l'individu qui va, l'individu planétaire, qui appartient à quelque nation que ce soit, qui va vers la conscientisation, sera obligé de vivre les mêmes passages d'un plan à un autre, d'une condition à un autre. C'est universel, c'est mondial, c'est tout partout comme ça. De sorte que tout ce qui empêchera la nivellation des correspondances entre la vieille personnalité et la nouvelle personnalité, que les gens soient dans telle école ésotérique ou telle philosophie ou telle spiritualité ou telle religion ou telle attitude psychologique ou philosophique, le phénomène sera toujours le même. C'est pour ça que viendra le temps au cours du 21e siècle où il y aura sur la Terre, dans différents pays, des écoles où l'instruction mondiale sera expliquée en termes très clairs à des hommes, et ceci fera partie de la nouvelle psychologie supramentale terrestre qui se répandra petit à petit au cours des siècles. Mais les hommes devront apprendre les mêmes lois, parce que les lois de l'esprit sont pas nécessairement universelles, mais les lois de l'esprit sont parfaites. Et elles sont parfaites, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas pensables. Elles ne sont pas assujettissable à l'ancienne personnalité de l'homme, autrement dit à la mémoire de l'homme, autrement dit à l'état psychologique de l'homme, autrement dit au mental inférieur ou à l'astral humain qui, sur le plan collectif, sur le plan social, crée une culture, une philosophie culturelle, une attitude nationale, ainsi de suite. Le problème des nations, ainsi de suite. Le chinois versus l'américain, le russe versus l'américain, ainsi de suite. Alors, l'instruction un jour sera mondiale, et cette instruction sera la nouvelle base des nouvelles écoles, comme aujourd'hui l'instruction cartésienne fait partie des bases dans le monde entier qu'on connaît, excepté dans certains pays. Alors, dans le domaine de la nouvelle personnalité, l'homme devra prendre conscience que il y a des limites en lui qui doivent être explorées. Et les limites en lui qui doivent être explorées correspondent à son bien-être. Mais il ne pourra pas explorer ces limites-là tant qu'il n'aura pas suffisance d'intelligence du contenu de ces limites-là et suffisamment de discernement pour les vivre, ces limites-là, de sorte qu'il y ait un facteur de temps entre le passage d'une personnalité à une autre. Mais l'homme qui découvrira les limites de sa vieille personnalité et commencera à en explorer les dimensions autres, se créera dans sa vie une autre dimension qui sera totalement personnelle à lui selon ses besoins personnels, et c'est cette dimension nouvelle-là qui ne sera pas expressément manifestée dans une émotivité, qui sera manifestée dans un contenu à la fois intelligent, à la fois astral et à la fois physique, qui permettra à l'homme conscient, supraconscient de demain, d'être ce que nous appelons, nous, dans la cinquième race, heureux. Et l'homme qui passera de cette étape à l'autre vivra une période où il ne pourra pas être heureux, parce que inconsciemment, on est heureux. Quand on se conscientise, on arrive à réaliser que c'est plus difficile d'être heureux, c'est moins facile d'être heureux. Puis après ça, on devient autre chose qui devient le heureux de la cinquième race, mais qui n'est plus le même heureux parce qu'il n'y a plus dedans d'émotivité. Ça devient un état d'esprit. Et un état d'esprit, le mot le dit très bien, un état d'esprit, c'est une relation parfaite entre l'esprit, autrement dit l'énergie primordiale dans l'homme, qui est la matière qui façonne ce que les psychologues appellent l'inconscient subjectif. Autrement dit, l'inconscient subjectif est façonné par l'esprit. L'inconscient subjectif n'est pas une myriade infinie de conditions de forme qui assujettissent la conscience humaine. L'inconscient est créé par l'esprit pour empêcher l'homme de connaître les secrets de la lumière. L'inconscient est une barrière. L'inconscient fait partie des limites ultra de la personnalité subjective de l'homme. L'inconscient est une condition planétaire de l'homme. Un homme qui est supraconscient n'a pas d'inconscient. Autrement dit, il n'est jamais assujetti émotivement ou intellectuellement à des formes qui sont astrales et contrôlées par l'esprit parce qu'il est déjà dans le monde mental. Donc, il connaît tous les rouages de l'esprit et connaissant tous les rouages de l'esprit, il est capable, sur le plan matériel, dans sa personnalité matérielle, d'entreprendre tout ce qu'il veut. Et quand je dis entreprendre tout ce qu'il veut, je ne le dis pas d'une façon métaphorique. Je l'ai dit d'une façon précise, parce qu'il est impossible à l'homme de penser quelque chose qu'il ne puisse pas penser. Et il est impossible à l'homme fusionné, parlons de l'homme de demain qui fusionne, de créer dans la matière ou dans son expérience matérielle quelque chose qui n'est pas parallèlement utilisé sur les plans invisibles. Donc, l'homme est capable, aussitôt qu'il a du matériel dans la tête, de l'exécuter, parce que le matériel qu'il a dans la tête fait déjà partie de la convenance entre l'esprit et sa personnalité matérielle. Donc, à ce moment-là, l'homme fonctionne... Je vous donne un autre exemple. Supposons que vous avez une Volkswagen qui fait 60 000 à l'heure. Et vous avez une autre auto qui fait 120 000 à l'heure. Les deux autos, quand ils sont au plancher, vous donnent le même feeling. Alors, c'est la même chose pour l'homme. L'homme, quand il est dans sa personnalité réelle, il fonctionne selon sa carrosserie à telle vitesse. Et cette vitesse-là, c'est le rapport entre son esprit et son corps mental, son corps émotionnel et son corps physique. Et ce rapport-là, il est parfait. Donc, l'homme vit, sur le plan matériel, une vie parfaite. Et vivant une vie parfaite, il est totalement équilibré dans ses principes et automatiquement, il n'a plus besoin de mémoire. Et n'ayant plus besoin de mémoire, il n'est plus préoccupé humainement à son statut d'homme. Et n'étant plus préoccupé humainement à son statut d'homme, il vit le statut de l'esprit dans l'homme. Et en vivant le statut de l'esprit dans l'homme, au lieu de vivre son expérience subjectivement, il la vit objectivement. Il regarde sa vie en action. Sa vie devient un film qui se déroule. Au lieu d'être des images imprimées sur une pellicule qu'il regarde lui comme observateur. Sa vie devient un film qui se déroule. Et elle se déroule au fur et à mesure que l'esprit convient avec l'ego. Elle ne se déroule pas en fonction du corps de désir qu'il projette. Donc, la personnalité réelle de l'homme n'est jamais impliquée dans l'action. Elle est toujours directement, parfaitement liée, intégrée à l'action. Il n'y a jamais de vide psychologique dans l'homme. Il n'y a jamais de surplus émotif ou mental dans l'homme. Autrement dit, l'homme ne fonctionne jamais psychologiquement. Autrement dit, l'homme n'essaie jamais de comprendre ce qu'il fait. Il le fait parfaitement. Et c'est le fait qu'il le fait parfaitement qu'il n'a pas besoin de comprendre ce qu'il fait. Tandis que l'homme inconscient est obligé, à cause des mécanismes de réflexion, de comprendre ce qu'il fait, de mesurer ce qu'il fait, de comparer ce qu'il fait. En mesurant, comparant ce qu'il fait et comprenant ce qu'il fait, il est obligé d'avoir une mesure de lui-même. La mesure de lui-même, c'est la valeur qu'il se donne à lui-même. Et la valeur qu'il se donne à lui-même, elle est fausse. Parce qu'elle est fondée non pas en raison d'une plénitude d'esprit dans lui-même, mais elle est fondée en raison de l'efficacité de l'ego de comprendre l'émotivité de son intellect. Donc, l'intellect étant jamais capable de parfaitement résoudre le problème énigmatique de l'émotion humaine, l'intellect est toujours fourvoyé, et étant toujours fourvoyé, l'homme dans sa personnalité est toujours déçu. Exemple. Vous êtes marié, vous avez une femme, ça marche pendant des années. Tout d'un coup, un jour, vous vous apercevez que, whoop, elle a un amant. Elle vous divorce. Qu'est-ce qui fait votre ego? Votre ego, il va dans sa mémoire, puis il regarde tout ce qu'il a fait pendant 10 ans. Puis il cherche, quelle place que j'ai fait mon erreur? Qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais dû faire? C'est universel. Ça, c'est quand que la femme le laisse. Quand lui laisse sa femme, là, c'est un autre paire de manches. Mais c'est quand même le même mécanisme. C'est une ci, puis c'est une ça. Mais quand c'est elle qui le laisse, il va pas dire je t'ai ci puis je t'ai ça. Mais il va essayer de comprendre quelle place qu'il a fait une erreur. Parce que la personnalité subjective, la vieille personnalité, ne peut pas vivre en dehors de sa mémoire. Elle est mémoire. Et c'est le plus grand dilemme de l'humanité, c'est le plus grand mal de l'homme. Mal nécessaire, ça fait partie de l'évolution. Mais c'est le plus grand mal de l'homme, autrement dit, c'est la grande limite de l'être humain sur la Terre. C'est qu'il a une mémoire émotive et mentale des actions qu'il a commises pendant une vie dont il ne connaît pas les lois de l'esprit, dont il s'accuse lui, comparativement, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Donc, il perd de l'énergie en se voyant lui-même, en se regardant lui-même. Il perd de l'énergie. Et l'homme ne doit pas perdre d'énergie. Pourquoi l'homme perd de l'énergie? Parce qu'il n'est jamais parfait dans son action. Si l'homme est parfait dans son action, il ne perd pas d'énergie. Il y en a de plus en plus d'énergie. Mais s'il est imparfait dans son action, il perd de l'énergie parce qu'il y aura toujours un doute de son action. Parce que l'homme n'est jamais sûr de lui-même. Il n'est jamais sûr d'être sûr. Et aussitôt que tu n'es pas sûr de quelque chose, tu perds de l'énergie. Ça, c'est une autre clé. Quand tu n'es pas sûr de quelque chose, tu perds de l'énergie. Quand tu es sûr de quelque chose, tu gagnes de l'énergie. Quand tu es sûr d'être sûr de quelque chose, tu vas en chercher de l'énergie et tu auras toujours l'énergie que tu as besoin pour faire ce que tu as à faire. C'est une loi de la vie. Mais aussitôt que tu n'es pas sûr de quelque chose, tu perds de l'énergie. Il y a des gens qui ont tellement de doutes en eux, ils vivent tellement de doutes dans eux, qu'ils vont aller chez Eaton s'acheter des paires de bottines, puis là, ils sont pas sûrs, puis ils regardent, il y en a une qui est rouge, il y en a une qui est verte, ils arrivent à la maison, puis là, ils ont décidé, je prends verte. Ils arrivent à la maison, puis la verte, ne marche pas, là, ils retournent chez Eaton, puis ils en prennent une rose, puis ils l'amènent à la maison, puis la rose, ne marche pas. Il y a des gens qui sont pas capables de s'acheter une paire de bottines une fois pour toutes quand ils vont chez Eaton. Ils sont obligés de l'amener à la maison, pour rentrer à la maison, la grandeur est pas correcte. Il y a toujours quelque chose qui marche pas dans leur crise de vie. Ils sont pas capables de faire un mouvement absolu, un mouvement définitif. Ils sont pas capables, sur le spot, de mesurer la valeur de leur intelligence en fonction de la forme. Ils sont obligés, sur le spot, de toujours souffrir de la forme en fonction de leur émotion. C'est ça, l'homme. Puis ça, c'est le même tout le temps. Il y en a un qui vient de me demander tout à l'heure, j'ai eu une offre pour aller à la télévision. J'y vas-tu, j'y vas-tu pas? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, fais attention, pense sécurité, pense pour toi, prends pas de chance. Ça, c'est comme mon chum qui dit, eh ben, j'ai été offert une job par une compagnie suisse comme ingénieur. C'était bien alléchant. 12 000 piastres de plus par année, petit patata. J'ai dit, fais attention. J'ai dit, c'est une job là, avec telle compagnie depuis des années de temps. Là, tu vas aller tomber sur un autre cheval. Fais attention. Là, j'ai regardé la nouvelle, les télévisions, avant-hier, là. Puis là, la compagnie avait fait faillite. Ils ont fermé les portes. La compagnie suisse, là, ils ont fermé les portes. Il a été sur le cul. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose, nous autres, dans la vie, on fait quelque chose dans la vie avec nos crises d'émotion. tout le temps. Nos émotions teintent notre intelligence. Et il la traite 12 000 piastres. Mais regardons dans 2 ans, puis regardons dans 3 ans, t'es pas capable. Pourquoi t'es pas capable? Parce que tu suis pas ta vibration. Si tu suivais ta vibration, automatiquement, tu verras que dans 3 ans, le mouvement que tu as fait, c'était le bon mouvement. Mais on ne suit pas notre vibration. Parce que dans notre vieille personnalité, on se dort la pilule. On est tous dédrogués. On se dort la pilule. Tout le temps. Faire les mouvements de l'esprit, ça va toujours contre l'ego. Tout le temps. Tout le temps. C'est car on est bien dans notre esprit que faire les mouvements de l'esprit supporte l'ego. Mais on est prêt à payer. Puis l'esprit, puis les lois de l'esprit sont des lois vibratoires, ce sont des lois d'énergie, et c'est pourquoi l'homme ne peut pas rentrer dans l'esprit sans payer un prix. Et le prix, c'est sa souffrance qu'on vit dans l'initiation. Il y a un prix. Tous les hommes paieront un prix. Tout. Tout. Ça, c'est absolu que tous les hommes paieront un prix. On était empoisonnés dans l'évolution, nous autres, les hommes. Si vous saviez, vous autres, combien on était empoisonnés, vous seriez surpris. Bon, on était tellement empoisonnés que l'empoisonnement qu'on a eu, c'est la mesure de ma capacité de parler dans le monde. Ça vous donne une idée. Je suis la mesure de l'empoisonnement de l'humanité, de l'homme. Fait que quand je dis que j'ai pas commencé à parler, je veux dire qu'on était bien empoisonnés. Ça fait partie de l'évolution, c'est nécessaire. Il existe dans l'homme, dans la personnalité réelle de l'homme, un pouvoir d'expression, un pouvoir de vie énorme. Dans la vieille personnalité, il n'y a pas de pouvoir de vie. Il y a une capacité de vivre existentiellement. C'est pas de la vie, ça. Il y a un pouvoir de vie qui existe dans l'homme. Et ce pouvoir de vie-là, il est là, il est... près de l'homme, il est loin de l'homme. Il est près de l'homme, il est loin de l'homme. Ce qui est plus mystifiant de ce pouvoir de vie-là, qui est l'intérêt vital, c'est qu'il ne nous vient pas quand on veut, il vient quand on peut. Il vient dans son temps, maudit dans son temps. Il vient dans son temps. Il arrive un temps qu'on est, on est pas mal ajusté pour attendre, on est capable d'attendre. 5 ans, 10 ans. Mais la vieille personnalité ne peut pas trafiquer avec cette énergie-là. La vieille personnalité ne peut pas servir. C'est pour ça que c'est si long. C'est pour ça que je vous dis, apprenez donc une fois pour toutes à sentir ce que vous voulez. Même si vous ne comprenez pas tout de suite, à le sentir. Sentir, il est quelque part ici. Avec le temps, il va se définir, puis avec le temps, il va se définir, puis avec le temps, il va se définir. Mais apprenez à le sentir. Parce qu'il est là. Anyway. Il est là dans tout homme. Mais il descend dans son temps. Faut que vos corps soient ajustés pour que vous puissiez l'utiliser, cette affaire-là. Rien de temps d'âme. Prenez un coach, Eaton. Dans la transition entre l'ancienne personnalité et la nouvelle personnalité, il y a un facteur de temps. C'est ultimement réel, ça. Le temps fait partie du conditionnement de l'esprit sur les corps humains. Le temps est approprié par l'esprit. Il est mesuré par l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est la dimension ultime de l'homme dans l'éther. L'esprit de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme dans l'éther. Je vous expliquerai ça plus tard, qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme, c'est une réalité dimensionnelle dans l'éther. L'esprit de l'homme, c'est plusieurs personnalités ensemble dans l'éther. L'esprit de l'homme, ça peut être 15-20 personnages dans l'éther. C'est ça l'esprit de l'homme. Fait que nous autres, on vit dans un high-rise. Il y a 20 étages, puis au lieu de vivre sur plusieurs étages, on vit dans le cave, puis on pense que c'est le high-rise. Moi, je suis bien fait avec vous autres, puis je suis bien poli avec vous autres, dans les séminaires, puis tout ça, quand vous me parlez, puis vous m'arrivez avec votre scepticisme, puis vos questions, blablabla. Mais si vous êtes chanceux que je suis... Vous êtes chanceux, vous autres, que je suis plus en initiation, que je n'initie plus personne. Parce que si je vous initiais à vous autres, je vous rentrerais dans les murs. Je vous donnerais un crisse de choc, puis vous revenez pas contre moi quand je vous rentre dans les murs. Comment vous seriez 6 pieds 10? Mais vous comprendriez vite, puis vous évolueriez très vite. Mais je suis plus capable de le faire, je suis trop fatigué.